de jardins et de sources. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Ils dirent, que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des mœurs des anciens. Nous ne serons nullement châtiés. Ils le traitèrent donc de menteur et nous les fîmes périr. Voilà bien là un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Les Thamouds traitèrent de menteurs les messagers. Quand Salih, leur frère, leur dit « Ne craindrez-vous pas Allah ?»« Je suis pour vous un messager digne de confiance. » Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Vous laissera-t-on en sécurité dans votre présente condition ? Au milieu de jardins, de sources, de cultures et de palmiers aux fruits digestes. Creusez-vous habilement des maisons dans les montagnes. Craignez Allah donc et obéissez-moi. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers. Qui sème le désordre sur la terre et n'améliore rien. Ils dirent, tu n'es qu'un ensorcelé. Tu n'es qu'un homme comme nous, apporte donc un prodige si tu es du nombre des véridiques. Il dit, voici une chamelle. À elle de boire un jour convenu, et à vous de boire un jour. Et ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. Mais ils la tuèrent, eh bien, ils eurent à regretter. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً